Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le chevreuil. C'est un petit cervidé nerveux, tout en muscles. Un corps fait pour la course et les bonds, des pattes longues et fines, un sabot pointu. Détail notoire, une queue à peine visible. Comme placée en ornementation sur son fessier, une petite tache blanche appelée miroir, en forme de cœur chez les femelles, qui ressemble à un rein chez les mâles et qui a son utilité. Car quand le chevreuil a peur, les poils blancs de son miroir se redressent et deviennent beaucoup plus visibles. Un système d'alerte très efficace à l'attention de ses congénères. Méfiant, le chevreuil détale au moindre bruit suspect et est capable de faire des pointes de vitesse à 70 km/h sur quelques centaines de mètres. On trouvera le chevreuil dans les forêts, quasiment partout en Europe à l'exception du Grand Nord. Bête discrète et solitaire en temps normal, on peine à noter sa présence dans les bois. Mais lorsque la période des amours arrive, c'est une autre histoire, cette fois-ci beaucoup plus sonore. Car notre animal, tout chevreuil qu'il est, se met soudainement à aboyer, à l'aurore et au crépuscule. Cela dès la fin de l'hiver, en février-mars et jusqu'en juillet. Cet aboiement est une explosion, une dizaine de cris brefs, sans harmonique, répétés à intervalles réguliers qui annoncent l'été et la période de reproduction et qui peut aussi servir de cri d'alarme. De longs mois où la forêt va se remplir des sons rauques de l'animal. Le mâle, car c'est de lui dont il s'agit, on parlera du brocard, appelle les chevrettes, tout en signifiant aux autres mâles de se tenir à distance. Gare à ceux qu'il croiserait sur son chemin. La bête est susceptible et charge sans état d'âme, allant jusqu'au combat, bois contre bois, s'il rencontre une résistance. Puis, il arrivera un jour où la femelle deviendra réceptive. Brocard et chevrette se retrouvent. Se produit alors ce qu'on appelle le rond de la sorcière. Le futur couple s'engage dans une forme de danse en décrivant autour d'un arbre des cercles de 10 à 30 mètres, des 8 plus précisément. La femelle tourne sur elle-même tout en esquivant les approches du mâle, s'arrêtant de temps en temps jusqu'à ce qu'elle accepte l'accouplement. Une parade amoureuse qui inspirera peut-être Ronsard dans son sonnet Comme un chevreuil, seul poète à avoir écrit sur ce cervidé. Libre folâtre où son pied le conduit, de règne et d'arc sa liberté n'a crainte, sinon alors que sa vie est atteinte d'un trait meurtrier empourpré de son sang. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité de Henri Cap et de David Reby, ainsi que de la sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.